Alors que sa tante, Mrs. Reed, avait promis de l'élever comme sa propre fille, Jane Eyre a été envoyée en pension à Lowood, une institution de charité pour orphelins dirigée par l'impitoyable Mr. Brocklehurst. Malgré des conditions de vie très dures, Jane réussit à se lier d'amitié avec une autre élève, Ellen Burns. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Troisième épisode. Lowood était un foyer de brouillard et de miasmes pestilentiels qui, sous l'influence du printemps, se développèrent jusqu'à amener dans l'orphelinat une épidémie de typhus et à transformer l'établissement en hôpital. Le jeûne prolongé et les rhumes négligés avaient prédisposé la plupart des élèves à la contagion, et 45 des 80 élèves se trouvèrent malades en même temps. Les classes furent abandonnées, les rares élèves qui continuèrent à bien se porter jouirent d'une liberté presque absolue. On nous laissait errer dans les bois du matin au soir comme des bohémiens. Nous faisions ce qui nous plaisait. Mon coin favori était une large pierre qui s'élevait au milieu du ruisseau et qu'on ne pouvait atteindre qu'à gué, ce que je faisais pieds nus. Elle était juste suffisante pour tenir une compagne avec moi. À ce moment-là, mon amie était Marianne Wilson, une petite personne maligne et observatrice dans la société de laquelle je me plaisais. De quelques années mon aînée, elle connaissait mieux le monde et pouvait m'en parler. Avec elle, ma curiosité était toujours satisfaite. Elle avait le don de compter, moi celui d'analyser. Elle aimait à renseigner, moi à la questionner, de sorte que nous nous arrangions fort bien, tirant beaucoup d'agrément, sinon beaucoup de perfectionnement de ce commerce. Hélène était malade. Depuis plusieurs semaines, elle avait été emmenée dans je ne sais quelle chambre d'en haut. Elle n'était pas, m'avait-on dit, dans l'infirmerie avec les fiévreuses, car elle était atteinte de consomption, non de typhus. Et par consomption, je me figurais, moi ignorante, un mal léger que le temps et les soins guériraient. Un soir du début de juin, j'étais restée tard dans les bois avec Marianne. Nous avions, comme d'habitude, fui la compagnie des autres et étions allés si loin que lorsque nous rentrâmes, la lune était déjà levée. Nous vîmes à la barrière le poney du chirurgien et Marianne remarqua qu'il devait y avoir quelqu'un de bien malade pour qu'on ait demandé Mr. Bates à cette heure-là. Quelle tristesse d'être étendue sur un lit en danger de mort. Ce monde était agréable. Ce serait lugubre d'être obligée de le quitter et d'avoir à aller qui sait où. Mon esprit fit son premier grand effort pour comprendre ce qu'on lui avait appris récemment concernant le ciel et l'enfer. Et, pour la première fois, il recula, interdit. Et pour la première fois, regardant derrière lui, de chaque côté et devant, vit un abîme incommensurable autour d'un point, le présent. Tout en essayant d'approfondir cette nouvelle idée, j'entendis la grande porte s'ouvrir et Mr. Bates parut suivi de la nurse. Après l'avoir vu monter à cheval et s'en aller, elle allait refermer la porte lorsque je courus à elle. Comment va Ellen Burns? Très mal. C'est elle que Mr. Bates est venu voir? Oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'elle ne restera pas longtemps ici. Dans quelle chambre est-elle? Elle est dans la chambre de Miss Temple. Puis-je aller lui parler? Oh non, mon enfant. Ce n'est pas possible. Et maintenant, rentrez. Vous allez attraper la fièvre si vous restez dehors avec cette rosée. Je compris instantanément qu'Hélène comptait ses derniers jours sur la terre et qu'elle allait s'envoler vers cette région d'esprit. S'il en est une. J'eus d'abord une sensation d'horreur, puis une grande peine, puis un désir qui était une nécessité de la voir. Je redoutais d'être renvoyée, mais il me fallait voir Hélène. Il me fallait l'embrasser avant sa mort, échanger avec elle un dernier mot. Hélène. côté de moi. Pourquoi êtes-vous venue, Jane? Il est plus de 11 heures. Je suis venue vous voir, Hélène. J'ai entendu dire que vous étiez bien malade. Et je n'ai pas pu dormir jusqu'à ce que je vous ai parlé. Vous êtes venue me dire adieu, alors? Il n'est que temps. Allez-vous quelque part, Hélène? Est-ce que vous retournez chez vous? Oui. À ma chère maison, ma dernière maison. Non, non, Hélène. Jane, vos petits pieds sont nus, couchez-vous sous la couverture. Je suis très heureuse, Jane. Et lorsque vous entendrez dire que je suis morte, il ne faudra pas vous désoler. Il faut tous que nous mourions un jour ou l'autre. Et la maladie qui m'enlève n'est pas douloureuse. Elle est douce et miséricordieuse. Mon âme est au repos. En mourant jeune, j'échapperai à de grandes souffrances. Je ne possède pas les qualités ou les talents qui font qu'on réussit dans le monde. J'aurais toujours été en faute. Mais où allez-vous, Hélène? Le savez-vous? Je crois. J'ai la foi. Je vais à Dieu. Où est Dieu? Qui est Dieu? Mon créateur est le vôtre, qui ne détruira jamais ce qu'il a créé. Je crois que Dieu est bon. Je lui remets sans crainte la partie immortelle de mon être. Dieu est mon père. Dieu est mon ami. Je l'aime. Je crois qu'il m'aime. Comme je suis bien. Ce dernier accès m'a un peu fatiguée. Il me semble que je pourrais dormir. Mais ne me quittez pas, Jane. J'aime à vous avoir auprès de moi. Je resterai avec vous, ma chère Hélène. Personne ne m'amènera. Avez-vous chaud, chérie? Oui. Bonne nuit, Jane. Bonne nuit, Hélène. Un mouvement auquel je n'étais pas habituée m'éveilla. Ça va aller. J'étais dans les bras de quelqu'un. La nurse me tenait et me portait vers le dortoir. Je ne fus pas grondée pour avoir quitté mon lit, on avait autre chose à faire, mais on ne répondit rien à mes questions. Un jour ou deux après, j'appris que Miss Temple, en regagnant sa chambre au matin, m'avait trouvée dans le petit lit, la figure contre l'épaule d'Hélène Burns, mes bras autour de son cou. J'étais endormie et Hélène était morte. Lorsque la fièvre typhoïde eut terminé sa mission dévastatrice à Lowood, elle disparut graduellement, mais non pas avant que sa virulence et le nombre de victimes n'eût attiré l'attention générale sur l'école. Une enquête fut faite. L'insalubrité du site, la quantité et la qualité de la nourriture des enfants, la fétidité de l'eau employée, le misérable état des vêtements des élèves, tout cela fut découvert et amena un résultat mortifiant pour Mr. Brocklehurst. Plusieurs personnalités du comté souscrivirent largement pour l'érection d'un bâtiment plus sain. Le fonds fut géré par un comité. L'école ainsi améliorée devint une institution véritablement utile. Je continuai à habiter ses murs après sa réhabilitation pendant 8 ans, 6 comme élève et 2 comme maîtresse. Pendant ces 8 années, ma vie fut uniforme, mais point malheureuse, parce qu'elle n'était pas inactive. J'avais, à ma portée, les moyens d'une excellente éducation. J'aimais certaines de mes études et je désirais exceller en toutes. Enfin, un changement se produisit dans ma vie. Miss Temple, à qui je devais la meilleure part de mon savoir et dont l'amitié et la compagnie avaient été ma joie constante, se maria et suivit son époux dans un comté éloigné. Du jour où elle partit, je ne fus plus la même. Il me venait maintenant à l'esprit que le monde était immense et que je n'avais jamais quitté Lowood depuis que j'y étais arrivée. En une après-midi, la lassitude me vint de 8 années. Je désirais la liberté, je soupirais après elle. Pour obtenir cette liberté, je murmurais une prière. Que me soit au moins accordée une autre servitude. Jeune personne habituée au professorat désire trouver une situation dans une famille dont les enfants auraient moins de 14 ans. Elle est capable de donner une bonne éducation anglaise, ainsi que d'enseigner le français, le dessin et la musique. S'adresser à J.E., poste restante, l'automne, Cher. Si J.E. possède les capacités mentionnées, et si elle est en position de donner des références satisfaisantes de moralité, on peut lui offrir une situation auprès d'une seule élève âgée de moins de 10 ans. Le salaire sera de 30 livres par an. J.E. est prié d'envoyer des références, son nom, son adresse et tout renseignement à l'adresse suivante, Mrs. Fairfax, Sandfield, près Millcote, Cher. J'examinai longuement le document. L'écriture semblait celle d'une dame âgée. Je sentais qu'une vieille dame était un atout dans mon jeu. Mes plans ne pouvaient plus rester secrets. J'informai la directrice que j'avais la perspective d'une nouvelle situation où je gagnerais le double de ce que je recevais à Lowood, et la priai de faire part de la chose à Mr. Brocklehurst et au comité. Le jour suivant, elle soumit la chose à Mr. Brocklehurst, qui dit qu'il allait écrire à Mrs. Reed, ma tutrice naturelle. Celle-ci répondit que je pouvais faire ce que je voulais, car elle avait depuis longtemps abandonné toute ingérence dans mes affaires. Je m'occupais de mes préparatifs, je n'avais pas une garde-robe bien fournie, et le dernier jour me suffit pour faire ma malle, la même que j'avais apportée avec moi de Gateshead. Connaissez-vous dans les environs un endroit appelé Sandfield ? Votre nom est-il R, Miss ? Oui. Il y a une voiture qui vous attend. C'est moi ton meilleur client. Voilà tout votre bagage, je suppose. Oui. La route sera-t-elle longue ? Peut-être bien 1 heure et demie. Allez, en route. À en juger par la tenue de la voiture et du domestique, pensais-je, Mrs. Fairfax ne devait pas être une personne bien élégante. Tant mieux. Je n'avais jamais vécu qu'une fois au milieu de gens huppés et j'avais été très malheureuse. Je me demandais si elle n'avait que cette petite fille avec elle. Pourvu seulement que cette Mrs. Fairfax ne soit pas une seconde Mrs. Reed. Enfin, au pire, je n'étais pas forcée de rester avec elle. Je me demandais si nous approchions. Je baissai la glace pour regarder. Millcote était derrière nous. Le chemin était mauvais, la nuit brumeuse. Le conducteur menait son cheval constamment au pas. Et l'heure et demie devint, je crois bien, 2 heures. Comment allez-vous, ma chère enfant ? Je crains que le voyage ne vous ait paru bien long. John conduit si lentement. Mrs. Fairfax, je présume ? Oui, je suis Mrs. Fairfax. Et je suis sûre que vos mains sont engourdies par le froid. Léa, faites du vin chaud. Coupez quelques sandwichs. Bien, madame. Et maintenant, venez. Venez près du feu. Aurais-je le plaisir de voir Miss Fairfax ce soir ? Que dites-vous là, ma chère ? Je suis un peu sourde. Miss Fairfax, la verrai-je ce soir ? Miss Fairfax ? Oh, vous voulez dire Miss Varence. Varence est le nom de votre future élève. Vraiment ? Elle n'est donc pas votre fille ? Non, je n'ai pas d'enfant. Je suis si contente que vous soyez venue. Ce sera tout à fait agréable de vivre ici en compagnie. Certes, c'est toujours agréable. Sandfield est une belle résidence, quoique un peu négligée depuis quelques années, mais toujours remarquable. Merci, Léa. Pourtant, en hiver, on se sent isolé dans les meilleurs logis lorsqu'on les habite seuls. Je dis seuls. Léa est une excellente fille et John et sa femme sont de très braves gens. Vous comprenez, ce sont des domestiques. Et on ne peut pas causer avec eux sur un pied d'égalité, de peur d'affaiblir son autorité. L'hiver dernier a été très dur. Je suis sûre que de novembre à février, il n'est venu personne d'autre que le boucher et le facteur. J'étais devenue toute mélancolique à rester seule, soir après soir. Au printemps et en été, cela va mieux. Le soleil et les longues journées font une telle différence. Et puis, au début de l'automne, la petite Adèle Varence est arrivée avec sa nurse. Un enfant rend tout de suite une maison vivante. Et maintenant que vous voilà, je veux être tout à fait gaie. Mais je ne veux pas vous garder debout si longtemps. Il est près de minuit à présent. Et vous devez être fatiguée après avoir voyagé toute la journée. Je vais vous montrer votre chambre. Je vous remercie. Lorsque je me réveillais, il faisait grand jour. La chambre me parut délicieuse et j'en fus tout égayée. Je me levai et m'habillai avec soin. Je désirais paraître à mon avantage et plaire autant que mon manque de beauté pouvait me le permettre. Je regrettais parfois de n'être pas plus jolie. Je trouvais que c'était un réel malheur pour moi d'être si petite, si pâle et de posséder des traits si irréguliers et si marqués. Enfin, lorsque j'eus brossé mes cheveux et mis ma robe de couacresse avec un col blanc, je pensais que je pourrais comparaître sans honte devant Mrs. Fairfax et que ma nouvelle élève ne reculerait pas d'antipathie. Je m'aventurai. Je traversai une longue galerie garnie de tapis, puis je descendis le glissant escalier de chêne, d'où je gagnai le hall. Les portraits des murs, les torchères, les lustres et la vieille pendule de chêne noircie, tout me paraissait imposant et superbe. La porte d'entrée était entrouverte et je sortis sur le seuil. Je gagnai la pelouse pour voir l'ensemble de la maison. Elle avait 3 étages. Ses proportions étaient considérables, mais pas trop vastes. C'était là le manoir d'un gentleman, non la résidence d'un noble. Une couronne de créneaux lui donnait un air pittoresque. Son front gris se détachait bien sur de grands arbres dont les locataires croissants volaient en ce moment au-dessus du domaine, pour atterrir dans une grande prairie, séparée de celui-ci par un ancien fossé presque comblé par un enchevêtrement de puissantes épines, forte, noueuse et vaste comme des chaînes, et qui expliquait le nom de la demeure. Sandfield, le champ d'épines. Quoi ? Déjà dehors ? Je vois que vous êtes matinale. Aimez-vous Sandfield ? Oui, beaucoup. C'est un beau domaine, mais je crains bien qu'il ne s'abîme. À moins que Mr. Rochester ne se mette en tête de venir y habiter, ou tout au moins de le visiter plus souvent. Les grandes propriétés ont besoin de l'œil d'un maître. Mr. Rochester ? Qui est-ce ? Le propriétaire de Sandfield. Ne le saviez-vous pas ? Non, je croyais que Sandfield vous appartenait. À moi ? Oh, Dieu vous bénisse, mon enfant. Quelle idée ! À moi ! Mais je ne suis que la femme de charge, la directrice des affaires domestiques. Certes, je suis apparentée au Rochester du côté de ma mère, ou du moins, mon mari l'était. La mère de l'actuel Mr. Rochester était une Fairfax, cousine au second degré de mon mari, mais je ne me sers pas de cette parenté. En réalité, je la compte pour rien. Je me considère comme une femme de charge ordinaire. Mon employeur est toujours poli et je n'attends rien de plus. Et la petite fille, mon élève ? C'est la pupille de Mr. Rochester. Il m'a chargé de lui trouver une institutrice. Il veut, je crois, la faire élever ici. Ah, tenez, la voici qui vient. Adèle, venez voir la dame qui va faire de vous une jeune femme instruite. Et donc, vous voyez, sur cette illustration, il y a la mouche, comme je vous ai expliqué. Une mouche ? Oui, qui tourne autour de la tête des chevaux. Comme c'est bien que vous parliez le français. Sophie sera contente car personne ne la comprend ici. Sophie est ma nurse. Elle est venue avec moi sur la mer dans un grand bateau qui avait une cheminée qui fumait. Oh, comme elle fumait ! Et j'étais malade. Et Sophie aussi. Et Monsieur Rochester aussi. Et, mademoiselle, pouvez-vous me redire votre nom ? R. Jane Eyre. Eyre ? Bah, je ne peux pas le dire. Enfin, notre bateau s'arrêta le matin dans une grande ville, avec des maisons noires et enfumées. Pas du tout comme la jolie petite ville d'où je venais. Et M. Rochester me porta dans ses bras jusqu'à terre. Et Sophie nous suivit. Enfin, on est monté dans une voiture qui nous a menés jusqu'à une grande maison, qu'on appelle un hôtel. Nous y sommes restés presque une semaine. Et nous allions tous les jours avec Sophie dans un grand jardin plein d'arbres, où il y avait beaucoup d'autres enfants. Et un étang, avec de beaux oiseaux auxquels je donnais du pain à manger. Adèle, avec qui demeuriez-vous dans la jolie petite ville d'où vous êtes partie ? Je demeurais, il y a longtemps, avec maman. Mais elle est partie avec la Sainte Vierge. Maman m'apprenait à danser, à chanter et à dire des vers. Beaucoup de gentlemen et de dames venaient voir maman et je dansais devant eux. J'aimais bien cela. Voulez-vous que je chante ? Non, cela suffira. Je vous libère pour aujourd'hui. Allez rejoindre votre nurse. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Adaptation, Pauline Timonier. Troisième épisode. Avec Julie-Marie Parmentier, Aurélie Nusillard, Yasmine Nadifi, Charles Borg, Cécile Camp, Bernadette Le Sachet, Sophie Froissart, Sylvia Conti, Jean-Claude Gonifet et Julien Aluguette. Et les voix de Sophie Doll et Manon Jusforgue. Bruitage, Patrick Martinache, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Musique originale, Denis Chouillet et le quatuor à cordes Cactus. Équipe de réalisation, Claude Niort, Manon Moussin, Vivien Demeyer, Juliette Eman.